بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. Eu égard aux habitudes des Quraysh, leurs habitudes d'effectuer des voyages d'hiver et d'été. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Qu'ils adorent donc le Seigneur de cette maison, la Kaaba, qui les a préservés de la famine et les a sécurisés contre tout péril.